Oui, les ghettos veulent rayonner. Oui, les ghettos veulent rayonner. Bien dans mon anonymat, si je développe à l'infini ma zik. Dans la tête, j'ai mis l'image, tire. A chaque fois, ça finit mal, si. Je me contente du minimum. Hein? Je suis loin d'être comme il m'imagine. Formé à la classique, j'ai la prose assassine. Zeng, je suis une sorte de mini-machine. Rap pour les massifs, frérot, je me fous toucher la cible. Si je les écoute, la prochaine étape, pousser la cible. J'ai le flow qui s'adapte et c'est parti. Sur n'importe quel proche, les fourrailles. Je rappe et tes oreilles, c'est kaki. A chaque nouveau son, t'as l'air étonné. Les mentales et les cœurs sont bétonnés. Tous accrochés au passé. Voir des mecs de quartier qui sont pas placés, c'est rare comme un mec honnête. Ils nous prennent pour des pyrénées. Mais les ghettos veulent rayonner. Dans le regard, le brasier vient pas négocier. Ils ont le calibre et lacé, t'as beau menacer, ils vont trironner. Issus des blocs partis, oubliés de notre patrie. Tu vois les repartis, oui parti pour des histoires. À ceux qu'on incarcère pour du shit. La daronne est en pleurs, elle sait que tu vas plus en cours. Elle sait que dans le four tu chiffres. Tiens, tu chiffres, tiens. Pourtant elle a tant donné, elle a jamais abandonné. C'est juste que rien ne fonctionne, même pas ces foutus chiffres. Toi tu veux des thunes, des sommes. Tu veux des thunes, des sommes. Mais l'argent tue les hommes. Mais l'argent tue les hommes. Toi tu veux des thunes, des sommes. Mais l'argent tue les hommes. Ouais, les ghettos veulent rayonner. Ouais, les ghettos veulent rayonner. Ouais, les ghettos veulent rayonner. Ouais, les ghettos veulent rayonner. Ouais, les ghettos veulent rayonner. Ouais, les ghettos veulent rayonner. Ouais, les ghettos veulent rayonner. Ouais, les ghettos veulent rayonner. Ouais, les ghettos veulent rayonner. Ouais, les ghettos veulent rayonner. Ouais, les ghettos veulent rayonner. 2017, enfoiré. Ouais, les ghettos veulent rayonner.